Bonjour amis poissons ou ascendant poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer votre tirage de l'oracle de Béline concernant le mois d'octobre 2023 pour vos amours. Allez, c'est parti. Je vais m'adresser aux célibataires ou aux couples également. Octobre 2023. Amour poisson. Bon, écoutez, dans la coupe, vous allez avoir pas mal d'inquiétudes, peut-être la peur de perdre votre bonne réputation. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que quelqu'un, vous allez peut-être découvrir que quelqu'un dit du mal de vous, des bruits de couloir pas sympathiques risquent de venir à vous, et cela, c'est jamais agréable. Les choses sont à rétablir, bien sûr. Par contre, pourquoi ça sort ici? À voir, peut-être que ça va vous miner dans votre vie affective. Bon. En tout cas, là, il y a un message qui indique de faire attention concernant votre bonne réputation, votre réputation à défendre. Il y a peut-être des mauvais esprits, des mauvaises langues qui parlent contre vous. Alors, au niveau des amours, par contre. Moi, je vous dis ce qui sort, hein. Que ce soit vraiment pile dans le sujet ou pas, c'est important de vous faire passer les messages. Alors, donc ici, eh bien, pour les couples pour qui tout allait bien, hein, vous voyez ici, on est dans des projets d'évolution, la relation se passe très très bien. Peut-être qu'il y a des projets de déménagement ensemble ou d'emménagement, ou en tout cas de nouveaux projets communs. Il y a peut-être des changements favorables qui se produisent dans votre couple et dans votre maisonnée. Ce qui rayonne sur le jeu, eh bien, c'est la réussite avec un grand soleil, donc c'est extrêmement positif. Réussite, je dirais, alors matérielle concernant les projets de maison, d'appartement, d'habitat, ou simplement des bonnes nouvelles pour l'un et l'autre, matérielles, concrètes. Il y a des bonnes nouvelles dans vos projets, donc du coup, cela vous rapproche beaucoup. C'est peut-être pour cela qu'il y aura des mauvaises langues derrière. Bon, soit. Alors, pour les couples pour qui ça n'allait pas, eh bien, vous voyez bien que tout va aller. Donc, en octobre, ça y est, les choses s'améliorent nettement, puisqu'il va y avoir un changement dans votre attitude à l'un et à l'autre par rapport à une excellente nouvelle qui concerne vos projets communs, votre couple. Encore une fois, peut-être vos finances, voilà, donc vous n'allez pas, vous allez cesser. Il y a une envie aussi avec cette carte de revenir vers la générosité et l'ouverture à l'autre. Pour les célibataires, eh bien, il y a une évolution de votre situation avec un changement, et normalement, avec cette carte-là, il y a une possibilité, ces cartes-là, la réussite qui rayonne sur le jeu, le cadeau pour vous-même, parce que la maison, c'est également votre moi profond. Il y a des possibilités, normalement, de nouvelles rencontres. Écoutez, c'est un très beau mois d'octobre pour vous, donc profitez-en.